this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Alors, bonjour à tous, ici Mickaël Michaud, chroniqueur, collaborateur à l'émission Puissance Maximale. Et aujourd'hui, un autre podcast pour vous parler d'un jeu qui est attendu depuis plus d'une décennie. Et oui, Duke Nukem Forever, qui sort mardi. Donc, mardi le 14 juin 2011. Et avec moi pour en parler, monsieur Andrew Castegan, un autre collaborateur fidèle de Puissance Maximale. Salut Andrew. Bonjour Mickaël. Ça va bien? Oui, et toi? Ben certainement, on a pu tester cette nouveauté, là, ce jeu tant attendu par tout le monde, par les fans de la série, et même par bien des gens qui n'ont jamais joué à Duke Nukem. Alors, on va commencer en parlant du storyline un peu. Où est-ce qu'on se retrouve un peu dans la timeline de l'univers Duke Nukem au début de Duke Nukem Forever? En fait, c'est quand même très drôle parce que, dans le fond, le jeu reprend en fait 11 ans après les événements du dernier jeu, soit en 10 temps passant, qui est le temps de développement là, du jeu, en fait. C'est que, dans le fond, Duke Nukem se retrouve approximativement 12 ans après avoir arrêté l'envahissement extraterrestre au niveau là, de la Terre la première fois. Puis, dans le fond, il a comme pris une semi-retraite là, de botter des derrière, si on peut utiliser son terme. Puis dans le fond, on se retrouve au moment où justement les extraterrestres reviennent faire un tour sur la planète, à savoir est-ce qu'ils viennent en paix ou encore s'ils viennent se venger de Duke Nukem. Ben, les événements du début le dévoilent. Mais on se retrouve approximativement là, dans le timeline à peu près. Là. Donc, bien évidemment, on se retrouve devant un Duke Nukem à la semi-retraite, et bien évidemment devant un Duke Nukem qui n'a pas trop changé, ça je peux vous le confirmer pour avoir joué, et nous aussi ayant joué à l'époque à ces jeux-là sur PC, on a un Duke Nukem qui est toujours aussi vulgaire, toujours aussi axé sur le sexe, sur les femmes, sur l'alcool, la consommation abusive justement de l'alcool, de stéroïdes qui lui permettent de frapper plus fort, et aussi de consommation de pornographie, disons-le. Donc, on se retrouve dans un univers qui est assez connu, qui a pas trop changé. C'est ça qui est le fun, je pense, là. Je sais pas ce que t'en penses, là. Mais qu'on retrouve un Duke Nukem qui est fidèle à ses origines. Oui, ben effectivement, la grosse crainte que les joueurs avaient justement en jouant à ce Duke Nukem-là, c'est qu'ils avaient peur justement que du fait qu'il passait en quatre compagnies, que l'essence même de Duke Nukem, se soit perdu, soit dans le fond la vulgarité, la violence et tous ces éléments-là. Mais non, c'est Gears of a fait une bien... c'est Gears of ou Gearbox, bref, la compagnie qui a Gearbox. Gearbox a bien fait le travail. On a gardé, là, dans le fond, le caractère particulier là, de Duke Nukem qu'on aimait bien là, de l'époque. Mais il faut le dire en même temps que beaucoup de gens de Duke Nukem, de Gearbox, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans la première version de Duke Nukem. D'ailleurs, je pense même que le président de Gearbox est une ancienne personne qui avait travaillé à 3D Realms. Donc, tu sais, d'un certain côté, il était déjà dans un terrain connu là, au niveau de l'univers de Duke Nukem. Là. Mais là, on a vu, on le voit au début du jeu, puis on en a parlé aussi hors d'onde plus tôt aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs compagnies qui ont touché justement à Duke Nukem, à cette nouvelle QV-là. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Pourquoi? On sait là que ça dure depuis justement plus d'une décennie, là, depuis qu'on attend justement ce nouvel opus-là. Mais il y a plusieurs compagnies qui ont touché. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Mais en fait, Duke Nukem Forever est une longue histoire de poursuites judiciaires et de délais non respectés. En fait, le problème, c'est que 3D Realms, le papa, dans le fond, de Duke Nukem, avait en premier lieu départi le jeu en 2000. Il y avait des délais à respecter au niveau là, de la date de parution du jeu. Malheureusement, il y a eu des décisions qui ont été prises par 3D Realms, comme changer, exemple, le moteur graphique, changer le scénario, changer tel élément dans le jeu, qui ont occasionné des délais supplémentaires et des pénalités. Évidemment, le publisher, dans le fond, l'éditeur, était généralement pas très satisfait là, justement de ce fait là, qu'il y avait ces éléments là, ces éléments supplémentaires. Ça rapportait beaucoup de coûts à la compagnie, ça rappelait des coûts, ça donnait des coûts aux éditeurs. Et malheureusement, le pire est arrivé. Un moment donné, Trolley Realms a eu des poursuites judiciaires, a dû fermer les portes à cause qu'ils ont pas pu payer. Et en plus, la récession économique qu'on vit depuis quelques années, ça l'a vraiment donné le coup de grâce. Après ça, ça avait été passé à une autre compagnie que le nom m'échappe. Ils ont travaillé seulement quelques mois dessus avant que 2K Games décide d'envoyer ça à Piranha Games, un autre éditeur. Piranha Games, encore une fois, a pris trop de délais, ne peut pas respecter les délais que 2K Games voulait. Donc, c'est lors de, je pense, fin 2010 ou début 2012, fin 2010, début 2011, que 2K Games avait annoncé que Duke Nukem Forever était annulé, que malheureusement, le jeu ne verrait pas le jour. Et là, c'est là que, comme un peu un sauveur sur son cheval blanc, que Gearbox est arrivé et a dit « Ben, nous, on a des anciennes personnes de 3D Realms qui avaient continué à développer le jeu à la maison, à la limite où, justement, le jeu sortirait pas, ben, qui pourrait sortir un peu en gratuit sur le net. » Et Gearbox ont convaincu 2K Games qu'ils étaient capables de sortir le jeu dans un délai raisonnable et qui n'engendrait pas trop de coûts. Qu'est-ce qu'ils ont quand même réussi à faire? Parce que si on considère qu'on est rendu en juin, il y avait à peu près 6 mois pour prendre où est-ce que le projet était rendu pour faire une finalisation et sortir le produit. Ce qui est un peu... Il y a justement toute cette saga-là qui nous a finalement amené Duke Nukem Forever chez nous sur nos différentes consoles et PC. Et on se retrouve devant un jeu, comme on a dit, on avait le storyline, tantôt tu nous expliquais un peu où est-ce qu'on en était au début du jeu. J'ai inséré ici mon grain de sel par rapport au storyline. Donc c'est ça, comme on disait tantôt, là, on se retrouve 12 ans après la fin du premier Duke Nukem, justement à la fin. On revoit cette fin-là, même au début du jeu, on la revit. Puis après ça, on se rend compte que c'est Duke Nukem qui joue à son propre jeu et que lui-même est fâché que ça ait pris 12 ans avant de revenir. Et on se retrouve justement dans un storyline où les extraterrestres sont de retour pour... Puis on pourrait dire que maintenant, c'est personnel, parce que dès le début, il s'attaque à Duke Nukem, mais il s'attaque aussi à un de ses plus grands plaisirs, que sont les femmes. D'ailleurs... on en parlait un peu dans les différents trailers, mais c'est ça, on commence tout de suite avec ça. Je vous dirais que c'est sûr que au niveau storyline, Duke Nukem n'a jamais vraiment été sa force. On va pas jouer à Duke Nukem pour l'histoire, mais surtout pour l'expérience du tir, puis aussi pour être dans un univers complètement on pourrait le dire très gras là, dans le sens vulgaire du terme. C'est quasiment pervers. Ah, mais c'est pervers. On s'en cachera pas. C'est sûr que ce jeu-là, ben, on le recommande pas aux adolescents. Ça a été classé. 17 ans et plus. Puis, je dirais que si je travaillerais encore dans le domaine de la vente, je serais ferme là, sur le 17 ans. Oui, c'est ça. Parce que, je veux dire, dans le jeu, il y a beaucoup de trucs qui sont, justement, on touche à l'univers de la pornographie, la consommation d'alcool. C'est très, très, très violent. Là, quand des fois, à bout portant, un coup de shotgun, là, ben. On peut démembrer notre adversaire d'un seul coup. Donc c'est très très très très violent. Pour le storyline, comme j'ai dit, je trouve que ça manque peut-être un peu de viande autour de l'os, mais quand même, c'est Duke Nukem, on lui pardonne, parce que justement on n'a pas besoin d'avoir tant d'histoires que ça. Si on saute au côté visuel de jeu, là, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Endo? Au niveau visuel, je trouve que c'est un jeu qui est quand même très bien. T'sais, si on regarde les graphiques en général, c'est quand même un jeu qui se respecte. C'est pas le plus beau jeu qu'il y a sur le marché, par contre. T'sais, si on pense à un jeu comme Crysis 2 ou des choses comme ça qui ont le CryEngine, qui est quand même un moteur graphique très, très, très exigeant sur les machines, mais qui a un rendu très beau, on peut trouver peut-être que Duke Nukem Forever fait pas le figure à côté de ces jeux-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a des jeux actuellement ou qui ont sorti dernièrement qui sont beaucoup moins beaux que ces jeux-là, que ce jeu-là, mais on voit quand même que c'était fait sur un frame qui est pas récent. Parce que, t'es, comme on disait, c'est un jeu qui a passé entre plusieurs compagnies, donc t'es, Gearbox ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qui était déjà fait. Donc t'es, on voit là, que l'engin graphique est pas à jour, mais c'est quand même très respectable. Oui, ben c'est un peu mon avis aussi. Comme je disais, moi je trouvais le visuel ok, sans plus. C'est pas dégueulasse, là. Ça se joue très bien. Même qu'à certains endroits, là, moi, je pourrais qualifier ça des fois un peu... un visuel qui peut un peu ressembler, pas en qualité, mais je veux dire pour le type de personnage et le type de graphisme qu'on va utiliser, ça me fait penser un peu à Vampire Bloodlines à certains endroits. Surtout quand on voit les femmes, là, les femmes qui sont exposées dans le jeu là. Je trouve que ça ressemble un peu à ça, mais vraiment boosté, là, qui va être mis à jour pour notre époque. Sinon, c'est ça. Je vous dirais que c'est un visuel, comme Andrew a dit, là, que je trouve honnête, sans plus. C'est pas dégueulasse, mais c'est toujours le fait que ça a pris 12 ans avant d'arriver à cette suite-là, puis qu'il y a des gens qui ont mis la barre très très haute sur plusieurs niveaux pour ce jeu-là, puis effectivement, le visuel en fait partie. Donc, honnête, mais sans plus. Sinon, moi, ce que j'avais peut-être à rajouter aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans de chargement dans le jeu-là. Les tableaux sont pas longs, parce qu'on charge souvent pour un seul chapitre. On peut arriver à 3 ou 4 écrans de chargement pour pouvoir passer justement à la prochaine mission dans ce chapitre-là. Je sais pas ce que t'en penses, Andrew. Je sais pas si t'avais remarqué ça. Effectivement, je trouve que les chargements, ils en offrent trop. Ils sont pas longs. Ben, je les ai trouvés longs. Pour la grosseur des cartes, je reprends un exemple. Crysis 2. L'engin graphique est vraiment très, très poussé, là. Puis les cartes sont quand même très grosses, là, au niveau du jeu. Et les loadings, il y en a moins. Et ils sont moins longs. Fait que t'es, pour les éléments à charger dans le jeu, t'es, comme on avait déjà parlé en ronde aussi, on trouvait des fois qu'il y avait des segments qui manquaient d'action un peu. Mm-hmm. Dans Crysis, il y a beaucoup d'action. Il y en a quasiment tout le temps dans toutes les cartes. Puis on parle souvent de vaisseaux, on parle souvent d'armées, de soldats. Et le décor est très, très interactif, là. Des fois, on peut faire sauter des véhicules, on peut faire sauter des murs, des colonnes. Puis t'sais, c'est tout un impact dans Crysis 2. Tout est calculé. Et les loadings sont moins longs. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui est pas vraiment pardonnable, parce que d'un certain côté, si c'est aussi long, c'est qu'il y a une partie de job d'optimisation qui n'a pas été fait. Puis après 11 ans ou 12 ans de développement, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Mais comme je dis, ça passe entre les mains de 4 équipes. Fait que t'sais, ça peut être un peu pardonnable d'un certain point de vue, mais il aurait pu en avoir vraiment moins, donc, pour la quantité d'éléments qu'il y a dans les cartes, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que je trouve que l'action, en plus, comme tu as dit tantôt, ça, c'est une de mes opinions, puis j'en démordrai pas. Il manque d'action dans le jeu. Je trouve qu'il y a trop de tatouinage, de promenage, pour essayer de trouver où est-ce qu'il faut s'en aller, comment, en faisant tomber un baril. Parce que là, il y a aussi un truc dans le jeu-là, c'est qu'à cause de certains petits trucs extraterrestres, on rétrécit à certains endroits dans le jeu. Puis là, il faut jouer justement avec ça, passer dans des petites considérations pour pouvoir aller ouvrir la porte de l'autre côté en sautant sur des divans. Et je trouve que ça apporte absolument rien au jeu, à part le fait qu'on est obligé de gosser puis vraiment de perdre. Moi, je trouve qu'on perd du temps à essayer de savoir où est-ce qu'on s'en va pour essayer de trouver essayer de trouver notre chemin. Des fois, c'est long, c'est pas évident souvent. C'est pas toujours facile à trouver son chemin. Tandis que, moi, je trouve qu'on aurait pu mettre beaucoup plus d'ennemis, plus d'action, avoir justement une expérience de shooting à la Duke Nukem. On fait tout péter. Mais là, on se retrouve à avoir justement à retrouver son chemin à travers les différents buildings où on va se retrouver. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que justement avoir notre avoir nous-mêmes pouvoir utiliser justement notre Duke Nukem à ce qu'il fait de mieux finalement, c'est détruire tout ce qui passe devant lui, y compris ses ennemis et des fois ses amis quand ils sont pas habiles. Je trouve que effectivement il manque d'action dans ce chapitre-là. Un des trucs que tu m'as parlé aussi, Andrew, c'est que effectivement, comme dans la plupart des jeux de shooter aujourd'hui, notre personnage peut pas traîner plus que deux armes à la fois. Et effectivement, moi aussi, ça me tape sur les nerfs. Je sais pas si tu voulais rajouter. Effectivement, moi, un point que je déplorais dans Duke Nukem Forever, c'est que dans Duke Nukem 3D, n'importe quel autre Duke Nukem qui a été fait, mais aussi, en même temps, n'importe quel shooter old school, on trouvait un gun, on le traînait. Il n'y avait aucun problème. Moi, je trouve que le principe de une ou deux ou trois armes est plus approprié dans le cas où on joue un jeu comme de Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose de plus réel. Quelque chose de militaire. Donc, le but, justement, c'est d'offrir un effet de simulation. Tandis que Duke Nukem, puis comme je prendrais n'importe quel exemple, Borderlands ou encore n'importe quoi d'autre, là, c'est des jeux que le simple principe, c'est de tuer tout ce qui bouge. Dans ce principe d'idée-là, je trouve que justement être limité à un ou deux guns fait trop souvent qu'on arrive contre un monstre qui serait plus efficace à tuer avec un lance-roquette, mais que juste par principe qu'on l'a laissé en arrière, on va avoir de la difficulté justement d'en venir à bout, on va recommencer ce segment-là à plusieurs reprises. Par contre, ils ont un peu pallié ça en plaçant les guns de façon intelligente. Ben des fois, quand t'arrives à une place dans le jeu où tu trouves trois lance-roquettes dans un pick-up de truck, ben généralement, il y a un boss. Ça veut dire équipe-toi donc d'un lance-roquette. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça limitatif, surtout que Duke Nukem, ça a toujours été avec les. Ça le prouve bien avec les signes nucléaires auto-associés au personnage. C'est un personnage bourrin. Il est là pour tout détruire, tout tuer. Et justement, qui peut juste traîner un pistolet et un shotgun, advenant le cas, mais rien d'autre sur lui. Je trouve ça un peu de valeur. C'est un peu réduire le pouvoir de destruction de Duke en lui assignant que seulement deux armes. Mais il y a d'autres items, par exemple. Il y a des explosifs, il y a les fameuses mines, on se rappellera, là, avec le laser, dès qu'on passe à côté, ça explosait. On a des pipe bombs, on a des hologrammes de Duke qu'on peut pitcher à terre puis qui vont se promener pour un peu, puis nous on vient cloquer pour pouvoir justement attaquer les ennemis dans le dos. Mais ça a toujours été, même dans n'importe quel jeu, les armes d'appoint comme les explosifs ont toujours été des armes qu'on a pu traîner à côté. C'est ça. Fait que t'es d'un autre côté, c'est de base à ce temps dans les shooters, ces éléments-là. Mais je dirais à la limite, s'il aurait permis qu'on ait trois ou quatre armes, t'es exemple une arme d'appoint comme le pistolet, une arme d'assaut, mitraillette et shotgun. Après ça, une arme de destruction, le lance-roquette, puis une arme de précision. T'es au moins une de chaque type, ça aurait déjà été mieux. Ouais, c'est ça. Ça nous permettrait de ne pas être toujours obligé de courir après des armes, puis d'essayer de penser. Disons, on joue à Duke Nukem, là, on joue pas justement à Call of Duty ou à des trucs du genre. Là, on est dans un univers justement de bourrin, comme tu disais tantôt. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est l'utilisation de véhicules. Entre autres, dans le début du jeu, là, on va conduire quand on est miniaturisé là, par un des petits trucs extraterrestres. Bon, on va conduire le tout téléguidé d'un jeune garçon qu'on va rencontrer dans le building. Plus tard, on va conduire un Bigfoot. Ça peut être intéressant, mais maudit que je trouve que c'est long, puis qu'encore là, les ennemis viennent pas vite, puis il y en a pas beaucoup. Moi, je trouve que le système de véhicule, c'est une nouveauté là, dans l'univers de Duke Nukem. Je trouve que c'est un élément, par exemple, qui aurait pu être plus travaillé. Je trouve que les contrôles manquent un peu de précision. J'ai eu de la misère, justement, avec le véhicule télécommandé dans certains éléments parce que, justement, je trouvais que le véhicule manquait de réponse ou encore, des fois, dérapait trop. Je trouvais que ça allait bien, moi, par rapport à d'autres jeux. Je trouvais que ça allait quand même assez bien. C'est pas super précis, mais je trouvais que ça allait quand même assez bien. Ben, tu sais, ça, c'est sûr, ça reste un point de vue, mon opinion, à ce niveau-là. Mais moi, tu sais, c'est le feeling qui m'a laissé. Mais il faut dire aussi en même temps que les éléments de véhicule, moi, j'ai juste vécu celui-là de la voiture télécommandée. J'ai pas vu le Bigfoot encore. Mais j'ai trouvé, même avec le véhicule télécommandé, que l'environnement, effectivement, était vide. À part les hazards du parcours, comme exemple une fosse de feu ou quelque chose comme ça, il y a rien. Il y a juste rien. Tout à fait d'accord. Ça prend du temps à trouver. C'est quand je dis qu'il manque d'action, c'est aussi ça. Il manque de viande autour de Duke Nukem. Il manque, des environnements. Il y a quand même une bonne partie des environnements qui peuvent être détruits lors des combats. Mais il n'y a rien, les environnements. Quand il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien d'intéressant à regarder. En tout cas, comme je disais, il manque d'éléments beaucoup, là, comme tu viens de dire, dans l'environnement du Duke Nukem pour que ça devienne intéressant un peu d'interagir dans cet environnement-là. Dans le véhicule, là, on en parlait, mais je réitère un peu mon opinion là-dessus. Colin, que c'est long puis qu'il manque d'ennemis. Des fois, il y a des grands bouts où on roule puis il se passe absolument rien. un peu déçu de ce point-là, mais c'est intéressant de mettre de rajouter une nouvelle dimension à un jeu de shooter comme ça. Je trouve ça intéressant quand même, mais effectivement, ça aurait pu être plus travaillé un peu. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ce jeu, mon cher Andrew? Ben moi, j'aurais une mini-réflexion à rajouter au niveau de l'univers du Nukem. Je tiens juste à rappeler, t'sais, c'est sûr, le jeu est bon. Faut pas vous méprendre. On parle du jeu et des choses comme ça. C'est un bon jeu. Je n'enlève à rien. C'est sûr, comme on a répété, je le répète, il a passé entre les mains de quatre compagnies. Donc c'est sûr ça a influencé là, le produit fini là, qu'on retrouve devant nous. Parce que toute personne qui connaît Gearbox justement, c'est une compagnie qui est experte dans les jeux de bourrin normalement. C'est une compagnie qui fait des jeux de tir, qui fait des jeux violents, c'est sa spécialité, c'est sa marque de commerce. Le monde qui joue à Duke Nukem Forever n'ont pas l'impression d'avoir un produit de qualité Gearbox en avant d'eux. Je dis ça à cause que le jeu, il faut rappeler, déjà sorti en Europe. Il est sorti le 10 juin. Ouais. Fait que les commentaires ont commencé déjà à apparaître en ligne. Les vidéos aussi là, qui montraient la version collector là, qui était offerte, qui avait l'air intéressante aussi. Exactement, mais faut pas oublier que la majeure partie de ce qu'on voit actuellement dans Duke Nukem Forever, c'est du stock qui a été déjà fait par 3D Realms, que Gearbox a mis l'engin graphique, a mis la finition dessus. Donc, tu sais, on n'a pas vraiment un produit Gearbox dans nos mains. C'est le produit des trois autres compagnies qui ont travaillé avant. Donc, ça, faut en être conscient là, qu'on joue là, à ce jeu-là. C'est sûr qu'il faut en être conscient. Ça s'excuse pas tout, par exemple. Je trouve ça un peu facile d'aller tout le temps vers le « Ah, mais ils ont passé 4. » Je veux dire, c'est un produit qui est offert aux consommateurs qu'on va encore vendre à gros prix. Puis moi, je l'ai trouvé... Le jeu est divertissant. Là, comme toi, j'y enlève rien. Sauf que je trouve que pour le prix qu'on va le vendre, parce qu'il va sûrement vendre autour des 50$, j'imagine... 50-60$ là, sur les différentes consoles. Sur PC, je ne sais pas. Il est 49 sur PC. Bon, on a encore un 50$. Moi, je trouve que pour le prix, je ne l'ai pas fini. Ça, c'est sûr. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'espère qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'heures. Là, il y a un multiplayer aussi auquel on n'a pas pu jouer encore. J'ai pas eu la chance d'essayer. Mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'heures derrière ce 50 et ce 60$-là. Parce que pour le moment, je trouve qu'on n'en a pas pour notre argent. C'est divertissant, effectivement, mais j'ai hâte de voir plus loin dans le jeu ce qu'il va avoir. J'espère que effectivement, je vais en avoir pour mon argent parce que pour le moment, divertissant sans plus de mon côté. Mais t'es la conclusion dans le fond sur quoi je voulais aller, c'est si Gearbox décide de continuer la franchise Duke Nukem, va falloir probablement s'attendre à un produit de meilleure qualité s'il y a une suite ou un autre Duke Nukem, parce que c'est sûr que si Gearbox fait le développement de A à Z, un peu comme je disais, s'il y a beaucoup d'éléments de Gearbox que c'est du monde qui ont déjà travaillé sur les premiers Duke Nukem, puis comme je disais, Gearbox c'est une compagnie qui fait des jeux justement de tir avec de la violence et tout ça, comme on reconnaît à l'univers de Duke Nukem. C'est leur signature. Donc, il va falloir s'attendre, c'est sûr, s'il y en a un autre, à ce que probablement les prochains vont être de meilleure qualité. Faut pas me prendre ça pour acquis, mais c'est quelque chose qui va être quand même à vérifier puis à surveiller. Surtout si vous êtes un fan de Duke Nukem. Mais si vous êtes un fan de Duke Nukem, vous allez probablement aimer le jeu. Mais il y a des défauts. Faut s'attendre à ça d'entrée de jeu. Là. Et rapidement, pour terminer, pour mes amis, tout le monde sait un peu à puissance maximale que je suis un amateur de triche. Et évidemment, moi, j'ai testé le jeu avec triche pour Duke Nukem. Tous mes jeux de shooter, je le fais avec ça quand je fais mes campagnes solo. Donc, j'ai découvert un petit truc. Si vous allez sur Internet, vous tapez Duke Nukem Forever Cheat Enabler, Enabler, comme dans... pour un peu activer, finalement... les cheats, c'est un petit fichier que vous allez télécharger, un petit fichier .ini, si je me rappelle bien, un configuration settings que vous allez remplacer dans votre... je parle PC, évidemment, là, pour ceux qui vont l'avoir sur PC. Vous allez remplacer ce petit fichier-là et c'est toujours une bonne idée de faire le backup du fichier original avant de faire le changement. vous changez ça, puis en jeu, vous tapez seulement sur, disons, F2 pour activer le God Mode, F5 pour avoir des balles à l'infini, F3 pour augmenter votre ego dans le tapis, parce qu'on en a pas parlé, mais Duke Nukem a de l'ego, parce qu'à un moment donné dans le jeu, il y a plein de... Il y a des soldats qui lui proposent de porter une armure, puis lui dit que porter une armure, c'est pour les faibles, et encore là, je suis poli. C'est pas ça qu'il dit dans le jeu, il est un peu plus cru que ça. Donc, lui, il a son ego pour le protéger, puis on va augmenter notre ego en battant des boss, et aussi en obtenant des items, ce qu'ils appellent des ego items. Ben, comme exemple, s'admirer dans le miroir pour la première fois augmente l'ego. Ouais, c'est ça. Quand il se regarde, quand il trouve, il peut trouver des magazines pornographiques aussi où ça va augmenter son ego, des trucs du genre. Donc, vous avez aussi cet élément-là. Pour vous parler de triche, là, allez chercher ce petit truc-là et pour les tricheurs d'entre vous, pour avoir une expérience invincible, d'avoir votre Duke Nukem invincible lors de vos quests. Dans le fond, le monter au niveau Chuck Norris. Ouais, c'est ça. Ce qu'on disait tantôt, c'est que finalement, Duke Nukem, c'est l'apprenti de Chuck Norris, si on regarde bien ça. Donc, c'était un peu... ça fait le tour, finalement, de notre critique, de notre observation de ce nouvel opus de la franchise Duke Nukem pour le jeu Duke Nukem Forever. Mon nom est Michael Michaud de l'équipe de Puissance Maximale et je remercie mon collègue Andrew Castegan d'avoir participé à ce podcast. Ah, c'est toujours un plaisir. Donc, on vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts tout au long de l'été pour vous, chers auditeurs de Puissance Maximale. Alors, on vous remercie et passez une bonne semaine ou une bonne journée ou un bon mois, un bel été finalement de jeu.